Lucide, dès vendredi. CISM est fier d'être associé au Festival musical indépendant Diapason qui se tiendra à Laval du 25 octobre au 3 novembre. Voyez Bernard Adamus dans un chalet, avec podcast dans un casse-croûte, les Dale Howard Chuck dans une buanderie, à la claire ensemble et le retour d'Omnicron dans un loft, Jimmy Hunt, Danny Placard dans une galerie, Lisa Leblanc et plusieurs autres dans des lieux atypiques. Et pour couronner le tout, vous êtes conviés au gros party d'Halloween en plein air à la place centrale du Centropolis. Achetez vos billets sur lavitrine.com et visitez le festivaldiapason.com. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, Jean-François Lusignan avec vous. Oui, ça va bien, merci. Donc, bienvenue à l'émission Le Terminus sur les ondes de CSM. La prochaine heure va être dédiée au rock indépendant. J'ai pourvu au menu ce soir de Muscadets, un nouveau duo féminin, également nouveauté de Mardi Noir. On a reçu l'album au complet à la station cette semaine. Aussi également du And You Will Know Us by the Trail of Death, qui a produit un nouvel album dernièrement. Et aussi un spécial post-punk italien et ukrainien. Donc, ce sera plus tard dans la prochaine heure à l'émission. On débute avec Skaters, qui est un trio de New York qui ont été remarqués lors du dernier CMG Music Marathon à New York il y a quelques semaines. Ils ont lancé au début de l'année, au printemps, je crois, un EP qu'ils offrent gratuitement sur Internet, ce groupe-là, Skaters. Et ils font penser, là, sont donc de New York, et ils font penser, sont dans la lignée, en fait, d'autres groupes comme The Strokes, donc une espèce de garage rock qui rappelle donc The Strokes. On va écouter tout de suite la chanson qui ouvre ce EP-là. Ça s'appelle Shimmers du groupe Skaters sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. We'll les Islandais de Sudden Weather Change avec The Blues, une chanson qui est tirée de l'album Sculpture qui est sorti au mois d'août, mais qui n'est pas, sauf à moins que je me trompe, là, qui n'est pas disponible par chez nous. Il a fallu que je le trouve via le site islandais, justement, de musique en ligne Gogoyoko. Si vous ne connaissez pas, c'est un bon site quand même, allez voir pour trouver en format numérique là, des groupes européens. Un peu l'équivalent d'iTunes, mais un peu plus indépendant et aussi avec beaucoup plus de groupes européens non disponibles ici, comme le groupe Sudden Weather Change que vous venez d'entendre. Et juste avant, c'était A Place to Bury Strangers et la chanson And I'm Up, qui eux aussi, là, le groupe vient de sortir un album il n'y a pas tellement longtemps. Et je voyais justement qu'ils seront en spectacle à Montréal, à la Sala Rossa, samedi le 17 novembre prochain, si ça vous intéresse. Et avec... En programme principal ou en première partie, j'imagine, Yamatanka Sonic Titan, un groupe local de Montréal qui fait beaucoup parler ces temps-ci. Il est en nomination au prix Polaris cette année. Donc voilà, assez parlé. On va continuer avec deux artistes locaux féminins. Il va y avoir dans le prochain segment de Muscadettes, un nouveau duo féminin local. Mais tout d'abord, Géraldine avec « Je ne suis pas ta secrétaire ». Sur les ondes de CISM, c'est la marche. Oh! and Oyster du duo de Muscadets, un nouveau duo en fait féminin local qui a lancé un premier EP il y a à peine 2 semaines. Et en écoutant les Muscadets, au début, je pensais à The Pillies, un autre groupe féminin anglophone local qui fait dans le rock, mais ils sont peut-être un peu plus rock'n'roll, hein, ces Muscadets-là, que The Pillies, qui est un peu plus dans le garage. Alors, un nouveau groupe, un nouveau duo intéressant à suivre et à réécouter, si vous voulez, sur leur Bandcamp de muscadets.bandcamp.com. On va maintenant écouter, on va maintenant passer, on fait continuer en français, avec La Question, qui sont supposés nous offrir un nouvel album bientôt. Ils étaient en pause l'année dernière pour les projets personnels de leurs différents membres, dont Simon Kingsbury. Et là, maintenant, ils devraient nous produire donc du nouveau matériel bientôt. En attendant, on va écouter une chanson qui était enregistrée dans le cadre de l'émission Session Live CISM qu'on a chaque semaine là, à 19h les jeudis. Et en 2010, on avait sorti une compilation de différents artistes qui étaient passés à l'émission au courant de l'année, dont La Question. Et on avait la chanson L'Orage de La Question qui figurait sur cet album-là, qu'on va écouter tout de suite à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Water. Mardi Noir, la chanson Les artefacts de vos sourires. Leur premier album, le premier album de Mardi Noir, Le Grand Réveil, va être lancé le 27 novembre prochain. Et depuis quelques semaines, on a déjà le premier extrait de cet album-là, Cœur de ciment, qui est sur le palmarès de chansons francophones de CISM. Donc, une autre chanson. Et donc, c'est la chanson en fait que je vous ai fait jouer, c'est probablement celle que je préfère pour l'instant. Et donc, on a, comme je vous disais déjà, on a reçu l'album à la station cette semaine. Donc, très, très bon album de Mardi Noir jusqu'à maintenant. Et avant Mardi Noir, vous avez aussi entendu le classique de la semaine. Ça faisait quelques semaines que j'avais négligé cette section de l'émission. C'était, vous l'avez deviné, Nada Surf avec Psychic Caramel de l'album High Low qui est sorti en 96. L'album probablement qu'ils ont fait connaître hein, parce que c'est sur cet album-là qu'il y avait la chanson Popular. Et à cette époque-là, on se demandait si le groupe allait être un one-hit wonder. Donc, l'histoire de seulement une chanson. Mais non, finalement, depuis leur formation 92, ils nous auront donné 7 albums. Dont cette année, même en 2012, hein, un dernier album, The Stars Are Indifferent to Astronomy. Ils avaient toujours une bonne constante, quand même une bonne qualité d'un album à l'autre. Donc, ils ont surpassé leur étiquette de One Hit Wonder, Nada Surf. Et le prochain segment, je vous le disais aussi en début d'émission, en fait, ça va être un segment de post-punk avec deux groupes. Un groupe en provenance d'Italie et l'autre en provenance d'Ukraine. Vous allez entendre donc le groupe White X qui sont eux d'Italie. Mais pour commencer, ça va être Blagodat, un groupe ukrainien qui chante en russe. Donc, je ne vais même pas essayer de prononcer le nom de la chanson. Mais je sais par contre que ça veut dire maintenant. Et si vous aimez le groupe Blagodat, ils ont deux EP qui sont disponibles sur Bandcamp gratuitement. Donc, on écoute tout de suite le groupe Blagodat sur les ondes de CISM. We'll be right back. En provenance d'Italie, c'était White Hex avec la chanson Holiday. Si vous voulez retrouver la liste des chansons qui jouent à l'émission ce soir et même les réécouter, ça sera disponible dans quelques minutes après 22h sur le CISM893.ca. On va retourner tout de suite en musique, c'est pour ça qu'on est là, avec le groupe français Expérience. Je voulais vous faire jouer la chanson Essayer, mais bon, j'ai pas le bon disque entre les mains, donc ça sera plutôt la chanson dont j'oublie le nom, donc on s'en parlera tout après, le groupe Expérience, le groupe français. Et voilà, on écoute ça tout de suite. Non, en fait, je me mélange dans ma feuille. On va plutôt commencer par Exit Music, la chanson The Silence. Bonne écoute. redire inscrits pour la sécurité sociale et les tarifs réduits. De nos 30 mètres carrés pour 1420 francs. En prime, le papier peint pourri qui fout le camp. De ces soirées interminables, des spaghettis pour 10, des taches de vin sur le canapé. Je passe les sangliers. Rappelle la distribution de prospectus à l'entrée du parking. Promo sur les autoradios de ces gamins qui démarraient des PM sans en avoir les clés. Puis d'un signe de la main, dégagé. Qu'est-ce qu'on est con à 20 ans, c'est clair, mais quel plaisir on y prend. Tu te rappelles, toujours à contredire, nous deux contre la terre entière. Ce qui me rassure, on est encore capable d'en faire autant aujourd'hui. Maintenant. Aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, du groupe français Expérience, un groupe qui, je crois, ne fait plus vraiment grand-chose. En fait, on avait ici reçu le single de cette chanson-là en 2001 à la station, et à ma grande surprise, on n'avait jamais reçu l'album au complet, donc voilà. C'était Expérience avec Aujourd'hui, maintenant, juste avant Exit Music et The Silence. Le temps file rapidement, on a quand même le temps d'écouter une dernière chanson. Ça sera l'album qui est en 23e position du palmarès de CISM, palmarès anglophone. C'est Mark DeMarco. Et ça sera, en fait, son album s'appelle 2, 2. Ce sera la chanson Annie. Je vous invite à rester à l'écoute. C'est toujours comme à chaque semaine, Zika Mendes qui suit avec la MyFi. Et sinon, pour la liste des chansons, CISM893.ca ou le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine également. À bientôt. Ciao. so low. Oh, Annie, sit down beside me. Let me confide in you. You know when I'm blue. Honey, I'm lonely. I'm going down. De Marco Annie de son album 2 qui est sur le palmarès de CISM. J'avais dit qu'on se quittait, mais non, on a encore le temps pour une dernière chanson. Ça sera And You Will Know Us by the Trail of Death qui ont sorti il n'y a pas tellement longtemps un nouvel album qui s'appelle Last Songs. On se quitte cette fois-ci pour vrai avec la chanson Up to Infinity. À bientôt. Ciao. Et la Royale Électrique présente la rentrée montréalaise des revenants le vendredi 9 novembre au Lion d'Or dans le cadre du coup de cœur francophone. Billets en vente sur le réseau Admission et à la billetterie du Lion d'Or. De l'automne arrive à grands pas et le Tabasco Bar est l'endroit pour te réchauffer.